してま Mes bateaux sont du sale sur la Yamaha. Terre rompue qu'elle est déjà meilleure à mieux. Je vais dire quoi est ton meilleur ami. Et puis je verrai qui fait le meilleur adieu. C'est moi le C63 du rap, le jeu. Ouais, c'est qui m'a le gueux. Peut-être si j'verrai, il va neiger. Mais qui m'a lui va tromper dans le mur. Un peu d'alcool, beaucoup moins de charité. C'est la guerre, mais faut sur le chaïkou. Je suis placé devant la comédie chaïto. Faut qu'on fasse demi-tour à pour aider les chaïkeux. Là, je suis en moto volée. On reproche sur le poteau, oh là. Et y'a des têtes contrôlées, finissent par SMS en Motorola. On me dit quoi de neuf, c'est pour quand le V8. J'ai pas comme toi, j'te prierai le V8. Sois encore content qu'on a pas mis le power. Ou je suis un bas, c'est comme Rocky Balboa. On me dit quoi de neuf, c'est pour quand le V8. J'ai pas comme toi, j'te prierai le V8. Sois encore content qu'on a pas mis le power. Ou je suis un bas, c'est comme Rocky Balboa. J'ai fait les 100 pas dans la mer, les 200 joies dans la neige. J'ai des ennemis qui sont libres, et des frérots qu'on a l'air. J'ai fait les 100 pas dans la mer, les 200 joies dans la neige. J'ai des ennemis qui sont libres, et des frérots condamnés. Au bout du soin, la couleur fournée, j'ai juste à m'appliquer dans les mauvais fourneaux. Pas de bol, le rêve est fermé, c'est du bon, nous répéter qui fait mille et le parmaire. Sans ta blessée, ne veux pas d'infirmière, j'aime. Quand tu commences à faire noir là, c'est quand tu rêves de faire bien. Bientôt de ma chaîne, gros, j'en fais te faire moi. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour des queues. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour des queues. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour des queues. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour des queues. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour des queues. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour des queues. Éteins la lumière, je vais leur faire un tour des queues. On est sur le terrain, pas celle de la décroix. Viens tu rappeur, Jack, mais un peu des deux. Les rimes m'ont pas changé depuis l'époque du Minitel. Regarde ce que ça donne, toi j'écris à mini pile. Tu sais que j'ai l'alcool, donc oublie tes mini pelles. On me dit tu les tous, bateau tu deviens militaire. C'était IM, il est Belly, grosso. Number 10, il est terrible, Godzo. Je leur souhaite tous de Perry, Rosso. Défoncé, bah tu pénis, Blozo. Rapport 5 sur la péniche, Chanto. Scold, c'est que t'es paisible, Conzone. Mauvais payeur, le péniche, Honda. Applaudissements, gros, je fais plaisir, Rosso. Quartier à temps, alcool à tout, cerveau à temps. Quartier à temps, alcool à tout, cerveau à temps. Quartier à temps, alcool à tout, cerveau à temps. Quartier à temps, alcool à tout. Show.